Madame est dans sa chambre, va lui dire Thérèse qui les friterait trahir. Il trouva Delphine, étendue sur sa causeuse, au coin du feu, fraîche, reposée. À la voir ainsi étalée sur des flots de mousseline, il était impossible de ne pas la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit vient dans la fleur. « Eh bien, vous voilà, » dit-elle avec émotion. « Devinez ce que je vous apporte, » dit Eugène en s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui baiser la main. Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux mouillés et lui jeta ses bras au cou pour l'attirer à elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. « Et c'est vous, toi, » lui dit-elle à l'oreille. « Mais Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons prudents. Vous, à qui je dois ce bonheur ? Oui, j'ose appeler cela un bonheur. Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d'amour-propre ? Personne ne m'a voulu présenter dans ce monde. Vous me trouverez peut-être en ce moment, petite, frivole, légère comme une parisienne. Mais pensez, mon ami, que je suis prête à tout vous sacrifier et que, si je souhaite plus ardemment que jamais d'aller dans le faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. Ne pensez-vous pas, dit Eugène, que Madame de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas voir le baron de Nucingen à son bal ? Mais oui, dit la baronne en rendant la lettre à Eugène. Ces femmes-là ont le génie de l'impertinence. Mais n'importe, j'irai. Ma sœur doit s'y trouver. Je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse.